إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذه كلمة عن الأحداث والمظاهرات والخروج على الحكام لإمام الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتع به وشافاه وعافاه. Maintenant avec, hier nous avons parlé des manifestations, etc., des verdicts des hommes de science autour des manifestations, et aujourd'hui avec une parole sur les événements qui se passent, et c'est sur ces manifestations, ces révoltes contre les gouverneurs, et cette fois-ci c'est la parole de son éminence Cheikh Rabia, celui qui porte l'étendard de l'éloge et de la réfutation que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et allonge sa vie dans l'obéissance à Allah, et qu'il le guérisse, Havidallah. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فإن الإسلام لكمال هديه وكمال حكمته يمنع الخروج على الحكام وما يؤدي إلى الخروج ويأمر بالنصيحة والموعظة الحسنة النافعة بالطرق الحكيمة البعيدة عن الإفساد والمفاسد اللي حفظه الله تعالى L'islam, sa guidée est complète. La sagesse de l'islam, elle est complète. Et c'est pour ça qu'il interdit le fait de se révolter contre les gouverneurs. Et il interdit tous les moyens qui vont amener à ces révoltes. Et il ordonne le conseil et la bonne exhorte. Le conseil et la bonne exhorte qui va être bénéfique par les voies légiférées, qui sont loin du mal et de tout ce que... qui a rapport avec le mal. يقول لكن الخوارج يرون الخروج على الأئمة بارك الله فيكم. Il dit mais les khawarij voient le fait de se révolter contre eux, les imams, contre les gouverneurs. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Il dit يعني إذا كانوا يكفرون بالكبيرة فهم يكفرون الإمام والحاكم إذا خالف ووقع في معصية استحلوا الخروج عليه فيخرجون يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويستبيحون أخذ أموال المسلمين وسبي ذراريهم إلى آخر مخازيهم التي وقعوا فيها بسبب هواهم وبسبب خلافهم لمنهج الله تبارك وتعالى ولما قرره الرسول عليه الصلاة والسلام وقرره القرآن وسار عليه العلماء وسار عليه الخلفاء الراشدون يلجي حفظه الله تعالى Ils rendent de mécréants avec les péchés capitaux. Donc, ils rendent mécréants le gouverneur, hein, les juges, le gouverneur, etc., les imams de la communauté. Quand cet imam est tombé dans une désobéissance, et à ce moment-là, ils rendent licite le fait de se révolter contre lui. Donc, ils sortent, ils font couler le sang, et ils déshonorent les personnes, hein, et ils se permettent... Hein, le fait de s'accaparer de l'argent des gens et de prendre comme butin leur famille, leurs femmes et tout le mal qui en découle du fait d'avoir rendu mécréants ces musulmans. Et ils tombent dans tout ceci à cause de leur passion, à cause du fait d'avoir suivi leur passion, à cause du fait d'être en divergence avec la voie d'Allah. Et à cause du fait d'être en divergence avec ce qu'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui a été confirmé dans le Coran, et la voie sur laquelle étaient les hommes de science dignes du nom, et la voie, ils sont en divergence aussi avec la voie des khalifs bien guidés, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. يقول خالفوا هذا بأهوائهم فأثخنوا في الأمة ومزقوهم شر ممزق. Il dit, ils ont été en divergence avec la bonne voie, avec leur passion. Ils n'ont amené que le mal dans la communauté. Ils ont déchiré la communauté d'une énorme déchirure et d'un grand mal. يقول وتلاحقت البدع بعد ذلك. هم فتحوا هذا الباب بل أبواب الشرور والفتن. Il dit, et les innovations après ça, quand il y a eu l'apparition du Khawarij, se sont succédées l'une derrière l'autre. Eux, les Khawarij, ont ouvert cette porte, ont ouvert les grandes portes du mal, les grandes portes de la fitna et de la perturbation. يقول لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم فقال هم شر الخلق والخليقة فإنما لقيتموهم فاقتلوهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذه يقول حفظه الله, فهذه طريقة الخوارج في كل زمان ومكان. Il dit حفظه الله تعالى, c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le fait de les tuer et de les combattre. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, ils sont les pires des créatures. Et il a dit, là où vous les rencontrez, combattez-les. Et il dit, ils sortent de la religion comme sort la flèche qui traverse le gibier. Il dit, ça c'est la voie des Khawarij en tout lieu et à toute époque. Daiman yad'ouna ila safki d'dima wa ila al-khuruj ala hukam al-muslimin barakallahu fikum. Amma al-shari'atu fa fiha al-hikma وفيها مراعاة المصالح وفيها درء المفاسد فإن الخروج على الأئمة له مفاسد عظيمة جدا. Il dit حفظه الله تعالى, toujours ces khawarij appellent vers quoi? Vers le fait de couler le sang et vers le fait de se révolter contre les gouverneurs des musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Dit quant à la législation, dans la législation, il y a la sagesse, il y a le fait de prendre en considération le bien et de repousser le mal. Il dit, car la révolte contre les gouverneurs et contre les imams de la communauté, il y a un grand mal dedans. Et j'ouvre une parenthèse, regardez le mal qu'il y a maintenant. Là où il y a les révoltes, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce qui se passe à Bahreïn, regarde ce qui s'est passé à Tanger, à Al-Husseima, regarde ce qui se passe en Tunisie, et ainsi de suite. Des innocents se sont trouvés dans une banque calcinée au Maroc. Hein? Et tout le mal qui en découle après, hein? Sauf Allah subhanahu wa ta'ala sait quand tout ce mal va se terminer. يقول حفظه الله لقد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سيحدث في الأمة من انحراف في الحكام وفي غيرهم فقال عن الحكام إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم. Et il dit حفظه الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala a fait montrer, hein? Il a donné le savoir au prophète ce qui va arriver dans la communauté comme déviation des gouverneurs et autres, et les autres aussi. Il a dit concernant les gouverneurs alayhi salatu wassalam, il a dit concernant les gouverneurs alayhi salatu wassalam, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, vous allez voir après moi que les gouverneurs vont s'accaparer de la fortune. Ils vont la prendre pour eux. Et vous allez voir des choses que vous allez blâmer, que vous ne reconnaissez pas. Ils ont dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que tu nous ordonnes si on vit à cette époque? Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Il a dit, vous vous acquittez de votre devoir vis-à-vis d'eux. Ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala votre droit. Et ce hadith hier, nous avons vu comment l'a interprété Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala quand il a fait l'interprétation du livre d'Ibn Taymiyyah, La politique légiférée. يقول حفظه الله ومتع به فلم يأمرهم بالخروج ولا القتال ولا المظاهرات ولا غيرها من ألوان الفساد عليكم السلام il dit حفظه الله تعالى il n'aura pas ordonné les révoltes ni le fait de tuer ni les manifestations ni autre chose parmi le mal parmi les actes du mal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرون قالوا فما تأمرون قال فو ببيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه Il rapporte aussi un hadith ici dans les authentiques, le hadith d'Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu arda, qui a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Banu Israël, ce qui les gérait, Qifakhi, fais d'or kathba avant de t'asseoir, barakallahu. Donc Banu Israël, في دور كعاد صلى ركعتين تحية المسجد إن شاء الله بارك الله فيك أخي لي بنو إسرائيل ceux qui les gouvernaient qui faisaient leur politique c'était les prophètes عليهم الصلاة والسلام et chaque fois qu'un prophète meurt c'est un autre prophète qui va le remplacer qui va lui succéder et le Rasoul صلى الله عليه وسلم dit il n'y a plus de prophète après moi il va y avoir du coup la fin et qui vont s'accaparer de choses et prendre la fortune etc ils ont dit à Rasoul الله Qu'est-ce que tu nous ordonnes dans ces cas-là ? Elle dit, acquittez-vous de l'allégeance que vous avez faite au premier et à celui qui le suit. Vous vous acquittez de votre allégeance. Et donnez-leur leur droit, car Allah subhanahu wa ta'ala veut leur poser des questions sur leur responsabilité vis-à-vis de leur population. Acquittez-vous de votre devoir vis-à-vis d'eux et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, va leur poser des questions sur leurs responsabilités vis-à-vis de vous et vis-à-vis des populations qui sont sous leur tutelle. يقول الشيخ حفظه الله انظر الى هذا التوجيه النبوي الحكيم فلو كان صبر المسلمين على جور حكامهم منطلقا من هذه التوجيهات النبويه الحكيمه لجعل الله لهم فرجا ومخرجا وربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Il dit, Habibullah Ta'ala, regarde cette orientation prophétique, cette sage orientation prophétique. Si les musulmans patientaient et enduraient en face de l'injustice de leur gouverneur, et si leur patience émanait de ces orientations prophétiques, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ouvre les issues. Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira des issues. Il cite le verset, celui qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait des issues de là où il ne s'attend pas et il lui ramène, il lui donne sa subsistance de là où il ne l'attend pas. Kuniyara khal islam. Je veux que tu compares ces paroles aux paroles de ceux qui apparaissent sur le khasir que ce soit le docteur Al-Qaradawi, ou ce soit Mohamed Hassan, ou ce soit Hada Kifil Walmancho, Amr Khalid, ou ce soit. Compare leurs paroles par rapport à ce que tu as entendu des paroles de Ibn Baz, Rahimahullah, de Sheikh Al-Uthaymin, de Sheikh Ubaid, Hafidhallahu Al-Jami', ou Rahimahullah Al-Amwat, et aujourd'hui, et de Sheikh Al-Fawzan, et les autres éminences que nous avons citées, et la parole aujourd'hui de Sheikh Rabi'a. Pour que tu comprennes que les orientations du prophète, la voix du Tubizel, il est dans un sens, et ces gens-là, les gens de la télé, sont dans l'autre sens, de l'autre côté, à l'opposé. Sallallahu alayhi wa sallam wa al-afiyah. Sallallahu alayhi wa sallam, yutabbitna wa iyakum, ala min hijis salif salih. Falhikmatu wal adlu, kulluhu fih. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous soyons constamment sur la voie de nos puiseurs d'Allah, parce que dans la voie du puiseur d'Allah, il y a la sagesse, il y a la science, il y a la justice, il y a tout. Il y a la quiétude, il y a la sécurité. وكما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واقع الحكام تحدث أيضا عن الفرق وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Et il dit حفظه الله تعالى comme الرسول صلى الله عليه وسلم nous a parlé de la situation des gouverneurs, il nous a parlé aussi des gouverneurs, des groupes, et que la communauté va se diviser ont 73 groupes, tous en enfer, sauf une. Hein? Vous connaissez laquelle? Vous savez laquelle? Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ici, Cheikh ne l'a pas cité, a dit, ceux qui sont sur la même voie que moi, ils me noblent compagnons. Donc, comme il a dit l'imam Malik, les paroles que nous avons citées depuis le départ, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. يقول الشيخ حفظه الله أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك الله سبحانه وتعالى lui a donné la science de tout ça hein? وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام et ça fait partie des miracles de notre message عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من بدع وسياسات منحرفة وما شاكل ذلك et donc ça fait partie du miracle de notre messager alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait montrer la situation de la communauté, la situation future de la communauté, et ce qui va, les innovations qui vont apparaître dans la communauté, les politiques qui sont en divergence avec la voie légiférée qui vont apparaître et autre chose, beaucoup de choses. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait savoir à notre messager alayhi salatu wassalam. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة الكبرى ويدفع الفتنة الكبرى عن المسلمين وعن دمائهم وعن أراضيهم وعن أموالهم. Mais le messager عليه الصلاة والسلام il était clément, il prend en considération le grand intérêt, il repousse la fitna et l'énorme fitna de la communauté musulmane. Il repousse la fitna du sang, il préserve le sang et les honneurs et les fortunes des musulmans. صلوات ربي وسلامه عليه. يقول حفظه الله أمر الله سبحانه وتعالى بتغيير المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Et il dit, Habibullah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait de changer le mal. Et il cite le verset qui dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister pour les gens, pour ordonner le bien et blâmer le mal et croire en Allah. Et dans l'autre verset, il faut qu'il existe parmi vous une communauté qui appelle vers le bien et qui ordonne le bien et qui interdit le mal et qui le blâme. Ceux-là, ce sont ceux qui réussissent. يقول ومع ذلك الحاكم له شأن آخر وهو أن ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة لأن تغيير منكره إذا كان دون الكفر البواح يترتب عليه مفسدة أكبر وأكبر وأكبر من المفسدة التي هو واقع فيها والتي تريد أن تستريح منها وتزيلها تقع في مفسدة أكبر وأكبر من الفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وما شاكل ذلك. Il dit, Habibullah Ta'ala, mais le gouverneur, il a sa situation particulière. Que le conseil qu'il doit lui donner, le conseil qu'on doit lui prodiguer, il a, doit se faire de la meilleure des façons. Hein? On doit lui adresser la meilleure des exhortes. Et tout ceci, ceux qui sont capables de le faire, et qu'ils le fassent selon les orientations du prophète, alayhi salam, entre eux et eux, et lui, directement. Là, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, on lui écrivant directement, pas en public. Hein? Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, car le fait de changer le mal du gouverneur, s'il n'est pas du domaine de la grande mécréance et de la mécréance claire, découle de ce changement si on ne le fait pas comme il se doit et selon la sunna et la voie légiférée, ben il va en découler un énorme mal. Un énorme mal. Un mal qui est beaucoup plus grand, le mal qui sera beaucoup plus grand que le mal dans lequel Ben est le gouverneur. Et le mal duquel tu veux te séparer, que tu veux enlever. Tu vas tomber dans un énorme mal, alors que tu veux changer un mal, mais tu vas tomber dans un énorme mal beaucoup plus grave, qui est la perturbation totale, l'insécurité, le fait que le sang des innocents va être coulé, le fait que les honneurs des gens vont être déshonorés, le fait qu'on va s'accaparer, et le vol, etc., le pillage, et tout ce qui s'ensuit. فيقول حفظه الله أمرنا بالصبر عليه الصلاة والسلام. أمرنا بالصبر عليه الصلاة والسلام. Et il dit حفظه الله تعالى, regarde, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné la patience. Alayhi salatu wassalam. Qala Ubadatu ibn Samit radiyallahu anhu, bay'na Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'ati fi al-manshati wa al-makrahi wa ala athalatin alayna wa ala an la nunazi'a al-amra ahlahu hatta taraw kufran bawahan 'indakum fihi min Allah burhan. Cheikh de citer ce hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, et nous avons fait l'allégeance au messager alayhi salatu wassalam pour le fait d'obéir, d'écouter et d'obéir à qui? Au gouverneur. Que ce soit au moment des difficultés ou au moment de l'aisance, on obéit. Et même s'ils s'accaparent des choses et ils prennent la fortune pour eux, ils ne donnent rien. Et qu'on ne concurrence pas les gouverneurs pour leur place. Qu'on ne concurrence pas les gens, et surtout les gouverneurs pour leur poste. Jusqu'à ce que vous voyez, et qu'on ne prenne pas les armes contre eux, jusqu'à ce que vous voyez une mécréance claire sur laquelle vous avez une preuve, min Allah. Mais je vous pose la question. Est-ce que c'est les ministres comme nous qui doivent décréter la mécréance d'un gouverneur? Abadan, akhal islam. Abadan. Ce sont les hommes de science, akhal islam. Les hommes de science qui savent estimer le mal où il est et le bien où il est. C'est eux. Ce n'est ni à toi ni à moi. Ce n'est pas cette jeunesse de Facebook qui ne connaît rien de sa religion. C'est à elle que de savoir où est le bien de la communauté. Abadan, akhal islam. Les choses, nous devons les retourner à ceux qui en sont dignes, à ceux qui en ont la responsabilité et qui ont les moyens pour accomplir et pour orienter dans le bon sens et pour donner les verdicts adéquats et non pas à nous, akhal islam. Nous devons, chacun de nous, se respecter lui-même et savoir se cramponner à sa place et pas aller très loin si on veut réussir. يقول حفظه الله كفر بواح لا يحتمل التأويل ولا يقبل تأويلا واضح كالشمس فحينئذ للمسلمين أن يخرجوا على الحاكم الذي وقع في الكفر الواضح بشرط ألا يكون في خروج مفسدة أكبر من بقاء هذا الحاكم بارك الله فيكم. Il dit حفظه الله تعالى une mécréance claire dans laquelle il n'y a aucune ambiguïté. Et que ne suppose pas une autre définition que la mécréance. Une mécréance claire comme éclair le soleil au plein zénith. Dans ces cas-là, les musulmans doivent sortir contre le gouverneur quand ils tombent dans cette mécréance claire, à la condition que dans leur révolte, il n'y a pas le non découle pas le mal. C'est-à-dire que s'ils sortent, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils vont l'enlever. Et que s'ils sortent, que le mal qui va découler de leur sortie ne soit pas plus énorme que le fait que ce gouverneur reste à son poste. Encore une fois, cette position-là, qui va décréter qu'il n'y aura pas le mal? c'est encore une fois, c'est pas la jeunesse de Facebook, ni moi ni toi, abeden. Ce sont ceux, les dignes du nom parmi la communauté. Ah, les dignes de nom parmi la communauté, akhal islam. Il y a un verset qui est très clair. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَدَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Le verset est clair. Il dit quand ils sont, quand il leur arrive une situation, que ce soit au niveau de la sécurité ou de la peur, ils la propagent. Alors s'ils la ramènent au messager d'Allah, c'est-à-dire à la sunna du prophète, et aux hommes de science, que ce soit l'exécutif, les hommes de science qui doivent éclairer, étudier la situation, et les autres qui sont les gouverneurs qui doivent la mettre en application. Ceux qui ont la science vont savoir l'interpréter, extraire ce qu'il faut faire et comment il faut agir dans la situation. Hein? Donc encore une fois, la condition, hein, pour sortir ne vient pas de cette jeunesse qui ne connaît rien de sa religion. Il doit émaner des dignes de la communauté parmi les hommes de science. Hein? Et aussi, les hommes de science, les spécialistes, leur détaillent la situation. Et les hommes de science voient, est-ce que c'est conforme avec la législation, c'est pas conforme. Et après, ils mettent en application. C'est pas comme Allah. On se retrouve sur la place de la liberté, tout le monde se retrouve. Subhanallah. On n'est pas des moutons. On est conditionné par la parole d'Allah, par l'authentique de la sunna du prophète, et par la voix de nos puiseurs d'Allah. Hein? Parce qu'il y a certains, comme je vous disais hier, au lieu de dire le khawarij, il dit le kharawij. Et en plus, il décrète la mécréance des hommes de science, des gouverneurs de tous les pays. Et il est malheureusement, vous êtes perturbé par ce genre de personnages ici à Bruxelles. Regarde. Ah waouh, il ne sait même pas prononcer. Il dit le kharaouj. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afir. On est perturbé comme ça. Hein? Yaqul hafidahullah. لأنه قد يخرج بعض الناس والضعفاء فيفتك بهم ويضيع الدين والدنيا فتكون المفسدة أكبر. Il dit parce que certaines personnes, certains faibles vont sortir. Ils n'ont aucune puissance, ils vont sortir. Et ça va être une grande mafsada. Hein? Ça va être, hein? Ils vont être tués, ils vont être exterminés. Il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de choses de ce bas monde. Les commerces, regardez juste les manifestations qu'il y a eu dimanche. Et rien que pour prendre un exemple où il n'y avait pas eu de grands dégâts. Le Maroc. On s'est retrouvé quand même avec 5 personnes brûlées. On s'est retrouvé dans un frère, il a téléphoné à ses parents hier, ils lui ont dit, les gens ont barricadé les magasins, on ne peut pas faire les courses. Regarde. Qu'est-ce qu'il en est quand le feu embrasse tout un pays et quand ça part dans tous les sens. Hein? Donc les gens ne peuvent plus avoir la sécurité d'aller prier, hein, d'aller faire des courses, d'aller chez le médecin ou quoi que ce soit. L'insécurité totale, à l'islam. Yaqul fatakun al-mafsadatu akbar. Il dit dans ces cas-là, le mal va être énorme. C'est-à-dire ça va être plus énorme que le fait de garder ce gouverneur. Hein? Regardez l'exemple. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, quand on a chassé la Saddam Hussein du pouvoir, qu'est-ce qui est arrivé? Les Irakiens pleuraient après l'époque de Saddam, parce que le mal qui en découlait, les assassinats qu'il y a eu, le pillage qu'il y a eu, sont pires que ce qui se passait à l'époque de Saddam. On ne donne pas la légitimité à ce qu'a fait Saddam, abadan. Mais les Irakiens eux-mêmes pleuraient à l'époque de Saddam. Et regarde le mal qui en découle jusqu'à nos jours. Est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que l'ONU ou n'importe qui a pu arrêter ce qui se passe? Combien d'assassinats par jour? Combien de morts de victimes? Hein? Combien de viols? Et ainsi de suite. Et regarde ce qui se passe en Tunisie. Les hommes de science, quand ils parlent avec clairvoyance. Hein? Ils parlent avec clairvoyance. il parle conformément à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et à la voix du puiseur d'Allah alayhi. Yaqul fa la yakhruj al muslimun ala al hakim kafir illa idha kana al khuruj arjah wa anjah wa anna al muslimina sayasqutuna dun safk dima wa dun intihak a'rab wa dun wa dun. Il dit, dans ces cas-là, les musulmans ne doivent pas se révolter et sortir contre leur gouverneur mécréant, sauf si cette révolte va réussir, et qu'il n'y aura pas de bain de sang, qu'il n'y aura pas de sang qui coule, et que personne ne sera déshonoré, et ainsi de suite. Vous avez déjà vu une révolte dans laquelle il n'y a pas de déshonneur, où il n'y a pas de vol, où il n'y a pas d'assassinat, des règlements de compte, Harry. Certains n'ont rien à voir avec les proclamations, ce qu'ils proclament, mais ils règlent leur compte avec telle ou telle personne. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa afiya. Yaqulu hafidhahullah, amma idha baqiya fi da'irati l'islam. Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala ma sallaw. Tarwi Salama radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala innahu yakunu alaykum umara. فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا فما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه ما قال ما أقاموا الصلاة قال لا ما صلوا ما دام يصلي ظاهره الإسلام وأنه في دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه لأن الخروج يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض. الله عز وجل il dit حفظه الله تعالى et s'il reste musulman, il reste musulman parce que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit tant qu'il prie, Salama de nous rapporter que Allah subhanahu wa ta'ala agré que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit après moi vous allez, il va y avoir des princes, c'est-à-dire des gouverneurs, vous allez reconnaître des choses, vous allez blâmer certaines choses. Celui qui sait, il a été une santé, et celui qui blâme, ben il est épargné, mais celui qui agré, qui suit dans le mal, ils lui ont dit ya Rasulallah, nous ne devons pas les combattre. Est-ce qu'on doit les combattre dans ces cas-là, ya Rasulallah? Il a dit non, tant qu'il prie. Il y a du mal, etc. Et ils ont demandé à Rasulallah, on prend les armes contre eux, on les combat, on se révolte contre eux, ya Rasulallah. Non, tant qu'il prie, vous ne faites rien du tout ça. Donc, tant qu'il prie, des chers, il n'est pas permis de se révolter contre lui. Et il n'a pas dit d'Ishir à terre notre attention, il n'a pas dit ils accomplissent la prière, il a dit tant qu'il prie. C'est-à-dire tant que dans son apparence, il voit, il prie, dans son apparence, si l'islam il reste musulman, il n'est pas permis de se révolter contre lui. Car le fait de se révolter contre lui va amener un grand mal. Le sang va couler. Les honneurs des gens vont être déshonorés. Et ainsi de suite. يقول وما استفاد الناس من الخروج على الحكام ابدا. Il dit jamais les gens ont tiré le bénéfice de la révolte contre les gouverneurs. Jamais. يقول لم يستفيدوا من الخروج على الحكام ابدا. Jamais les gens ont tiré profit et bénéfice du fait de se révolter contre eux. Un gouvernant, il dit jamais. Khurouja lil Medine ala Yazid, tarattaba alayhi mafasid azima. Il dit le fait que les gens de Médine se sont révoltés contre Yazid, il en a découlé des énormes, un énorme mal est arrivé à cette époque. Khurujum ala bani Umayya wa ala bani al-Abbas. ما يترتب عليه إلا الفساد والهلاك والدمار لم يستفيد المسلمين من هذه الخروجات أبدا. ودائما تأتي مفاسدها أكبر وأكبر وأشد من مصالحها. Il dit حفظه الله تعالى. La révolte des gens contre les Umayyades, contre Bani Umayya, et contre Bani Abbas, les Abbasides. Wa alaykoum salam. Un grand mal. a découlé de ces révoltes. Une grande destruction, des grands bains de sang. Les musulmans n'ont tiré aucun profit de ces révoltes, jamais. Et toujours, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le mal qui en découle est beaucoup plus énorme que le bien qui peut en arriver, qu'on peut en récolter. يقول واعتبروا بالصومال كان حاكم ظالما فاجرا فخرجوا عليه فاستمروا في دوامة من الفتن والدماء إلى يومنا هذا. Il dit, prenez en considération la Somalie. Leur gouverneur était injuste, il était pervers, il était injuste, ils se sont révoltés contre lui, ils sont dans une fitna jusqu'à nos jours. Depuis la révolte somalie jusqu'à nos jours, ils sont dans la fitna. صدام الفاجر البعتي انظر لما اسقط ماذا يحصل للعراق الى يومنا هذا. Il dit, صدام le pervers, le بعثي, il est du parti le بعث, hein? Regarde, depuis que son pouvoir a été anéanti, qu'est-ce qui arrive à l'Irak jusqu'à nos jours? Qu'est-ce qui se passe en Irak jusqu'à nos jours? Donc celui qui est doué de raison doit réfléchir. Regardez la situation en face. يقول وماذا سيحصل الآن لهؤلاء الذين يتظاهرون في البلدان العربية؟ Et qu'est-ce qui va arriver maintenant à ceux qui se révoltent maintenant? Ils se manifestent, ils font des manifestations dans le pays arabe. ما الذي سيترتب على أعمال هؤلاء؟ Dit, qu'est-ce qui va découler des actes de cela? يقول والله أنا آسف آسف الأسف الشديد أنه لا ذكر الإسلام في هذه المظاهرات كلها. Il dit, par Allah, je regrette, un grand regret, c'est que dans ces manifestations, on ne cite pas l'islam. L'islam n'est pas cité. Dans toutes ces manifestations. يقول وبعض الكتاب يحكي الإجماع على هذه الديمقراطية ينطلقون من الديمقراطية المطالب الشعبية كلها تنطلق من الديمقراطية ليس فيها أي مطلب ينطلق من الإسلام أبدا والعياذ بالله. والحلول من بعض الحكام ديمقراطية فيا غربة الإسلام. Il dit, حفظه الله تعالى, certains écrivains citent le consensus sur la démocratie. Ils partent tous leur point de départ de ces révoltes, la démocratie. Les demandes et les souhaits des populations, tous parlent de démocratie. Tous partent du point, le point de départ, la démocratie. Aucune demande ne part de l'islam. Aucune demande, son point de départ n'est l'islam. Abadan, il dit, et on se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous préserve. Il dit, les solutions de certains gouverneurs, la démocratie, il dit, quelle étrangeté vit l'islam. Ya ghurbat al-islam. يعني هذا حاكم تونس غادر تونس والفوضى باقية والله أعلم كيف ستنتهي الأمور. ويقول حفظه الله ما أظن أنها ستنتهي بحكم الإسلام. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, voici le gouverneur de Tunisie. Il a quitté la Tunisie. Il dit, les perturbations, le fawda sont toujours là. Hein? Il dit, sauf Allah subhanahu wa ta'ala sait quand est-ce que cette situation de perturbation va s'arrêter. Il dit, je ne crois pas que ça va se terminer avec un jugement islamique et avec un état islamique. Yaqul wa hakimu Misr طلب مهلة لمدة بسيطة ثم يتخلى عن الحكم فأصر المتظاهرون إصرارا شديدا على تنحيته فورا فتنحى فما هو البديل عن الديمقراطية أو الحكم العسكري؟ إذا لم يكن البديل هو الإسلام بعقائده ومناهجه الصحيحة في كل المجالات. Il dit, حفظه الله تعالى, le gouverneur de d'Égypte a demandé qu'on lui laisse un laps de temps et après il laisse le pouvoir. Il dit, mais les manifestants se sont entêtés d'un grand entêtement pour le sortir de là, hein, et lui prendre le pouvoir. Ben, il a laissé la place. Quelle est l'alternative entre la démocratie et le pouvoir militaire? Il dit, si l'alternative n'est pas l'islam, l'islam avec les croyances authentiques, l'islam avec la voix authentique à tous les niveaux, et même, il fait partie de ces niveaux, la politique, Il dit, « D'alam yakul l'islam huwa al-badil, falam yasna'u shay'an. » D'ici, l'islam n'est pas l'alternatif, et ce n'est pas l'islam qui va prendre le pouvoir avec l'islam basé sur les croyances authentiques et sur la voie authentique, ben ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. يقول إذا كان البديل هو الديمقراطية الغربية المناهضة للإسلام فبئس البديل. Il dit si maintenant le changement et l'alternative c'est la démocratie occidentale qui est le contraire de l'islam, il dit quelle mauvaise alternative, quelle mauvaise alternative et quel malheur alternatif. يقول أنا آسف الآن على ما يحصل في العالم الإسلامي من هذه المظاهرات الجاهلية الهمجية الفوضوية التي لا وجود للإسلام في مطالبها ولا لمتظاهرين مما يدلك على أنهم جاهلون بالإسلام وأنهم لا أمل لهم أو لا رغبة لهم في أن تقوم دولة إسلامية مثلا. Il dit حفظ الله تعالى, je regrette ce qui se passe maintenant dans le monde musulman. Je regrette ce qui se passe avec ces manifestations qui sont du temps de jahiliya et qui sont la perturbation totale dans laquelle il n'y a pas l'existence du fait de demander l'application de l'islam. Il dit dans les demandes de ces manifestants il n'y a aucune demande du fait d'appliquer la législation musulmane. Il dit, ça te prouve l'ignorance de ces gens de l'islam et de ces manifestants, leur grande ignorance de l'islam. Ils n'ont aucun espoir. Ils n'ont aucune envie qu'il y ait un État islamique, par exemple. Ils n'ont pas ça. Ça s'appelle tout simplement quoi? La démocratie. Démocratie. يعني طلاب جامعات وذكاترة وأساتذة وعقولهم أدنى وأدنى من عقول الأطفال. Il dit, حفظه الله تعالى, ils n'ont aucune envie qu'il y ait un État islamique. Ils ne savent que, ils ont tout simplement la démocratie, la démocratie, la démocratie, la démocratie. Et il dit, des étudiants universitaires, des docteurs, des professeurs, mais leur raison est plus bas que la raison des enfants. وهم يركضون من وراء أفكار الغرب وتشريعات الغرب وقوانين الغرب ومطالبهم لا تقوم إلا على هذه الأمور التي جاءت من أوروبا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أهل البدع فعلوا هذا والسياسيون فعلوا هذا مع الأسف الشديد. يقول حفظه الله, et il dit, il ne cesse de courir derrière les pensées occidentales, derrière législation occidentale, derrière les lois occidentales. Et leur demande est basée sur tout ça, sur des choses qui viennent directement d'Europe. Et il a dit, en citant le verset du le hadith du prophète, vous allez suivre la voie de ceux qui sont passés avant vous, en pont par en pont, coudé par coudé, et s'il rentre dans le trou d'un varon, vous allez y rentrer aussi. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. Et ça, ça fait partie des emblèmes de la vérité qui te prouve la véracité de ce message عليه الصلاة والسلام. Et la véracité de sa prophétie. Et il dit, حفظه الله تعالى, les gens de la bid'a ont agi ainsi. Il dit, les politiciens ont fait de même, malheureusement. يقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للأمة علماء ناصحين يقودونهم بكتاب الله وبسنة رسول الله وأن يهيئ لهم حكاما صالحين ناصحين يحكمون بشريعة الله تبارك وتعالى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, حفظه الله تعالى, nous faisons, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il prépare à cette communauté des savants, dignes du nom des savants, qui conseillent, qui guident cette communauté avec le livre d'Allah et la sunna du messager. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des gouverneurs pieux, vertueux, des gouverneurs qui sont dignes du conseil, qui mettent en application la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui jugent avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Yaqul, inna al-hukma lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala, fala hukma li ahadin ma'ah, wala sharika lahu fi hukmih, inna al-hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyan. Il dit, hafza Allah ta'ala, le jugement, les lois appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de jugement que le jugement d'Allah, personne ne doit juger avec Allah, pas d'associé dans le jugement. Et il dit, cite le verset, le jugement est à Allah. Il a ordonné le fait qu'on lui réserve le culte exclusivement. Il y a lillahi wahda, rabbukum alladhi khalaqakum wa khalaqa al-ard wa khalaqa as-samaa wa amadakum bil anhar wal jinan wa kullu shay'in thumma tansawna wa tansawna tashri'atihi wa tata'allaquna bi tashri'ati al-yahud wa an-nasara. Il dit, Habdallahu ta'ala, le hukm, le jugement est à Allah uniquement, votre souverain qui vous a créé, qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui a fait que les fleuves coulent, et a donné des jardins, et il a donné toutes choses, et vous l'oubliez, vous oubliez sa législation, et vous courez derrière les législations juives et chrétiennes. Yaqul, ma ahad dhakara l'islam fi hadha mudaharat. Yaqul, حتى صوت الخوارج ما وجد عندهم مع الأسف الشديد. يقول نحن نذم الخوارج ونذم خروجهم ونحاربهم، لكن هؤلاء مطالبهم تحت مطالب الخوارج بدرجات ودرجات مع الأسف الشديد. إلى حمد الله تعالى. بيرسون نانفوكي الإسلام نبغي ندموندي لا ليجيسلاسيون إسلاميك دورون سي مانيفيستاسيون. دي ميم لا فوا دي خوارج n'a pas été trouvé ces gens-là, malheureusement. Il dit, nous, on blâme les Khawarij, on les combat. Et on les blâme pour leur révolte et on leur fait la guerre. Mais il dit cela, en parlant des manifestants d'aujourd'hui. Il dit, leur demande est plus bas degré que la demande des Khawarij. Encore les Khawarij, ils disent, le hukmu lillah. Ceux qui se sont révoltés chez contre Ali. Il passait dans la mosquée, il disait, Inni al-hukmu illa lillah. Et Ali radiallahu ta'ala dit une parole de vérité avec laquelle on cherche le faux. Mais il n'y a pas. Dans la démocratie, l'expression, la liberté d'expression, il va zin ta. Yaqul. فنحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، أن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل، ويكون لا هم لهم إلا الالتزام بهذه الشريعة وتطبيق هذه الشريعة الغراء، تطبيق نصوص هذا الكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسعادة كل السعادة فيه وفي بيانه السنة والهلاك والدمار والشرور والفتن والمحن كلها تنصب على من يخرج عنهما. Il dit, nous, on conseille les musulmans, on dit aux musulmans, revenez vers le livre d'Allah, revenez vers le livre d'Allah Azza wa Jal, et que votre souci soit tout simplement de se cramponner à la législation musulmane et de mettre en application cette législation pure, de mettre en application les textes, ce livre d'Allah qui ne connaît pas le faux ne peut pas s'y immiscer. Et il dit le bonheur et tout le bonheur et dans ce livre et dans son éclaircissement qui est la sunna, la perdition, la destruction, tout le mal, toutes les fitanes, toutes les épreuves vont tomber sur celui qui donne le dos et qui est en divergence avec le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Yaqul wa nas'alu Allah an yuhayyi'a lil muslimina hukama nasihin. لأن الحاكم إذا لم ينصح للأمة فقد حرم الله عليه الجنة. الله أكبر. Et il dit, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire exister pour les musulmans des juges, des gouverneurs qui sont dignes du conseil pour la communauté. Car le gouverneur, s'il n'est pas d'un bon conseil pour sa communauté, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. مصيبة. Et il cite cette parole du messager عليه الصلاة والسلام rapportée par l'imam Muslim et l'imam Al-Bukhari رحمه الله تعالى. معقل بن يسار كالله سبحانه وتعالى قريه dit que j'ai entendu le prophète عليه الصلاة والسلام dire tout serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala met sous sa tutelle des populations ou des gens, et il meurt, et le jour où il meurt, il les a trahis, il a trahi ceux qui étaient sous sa tutelle, hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit le paradis. Hein? Énorme catastrophe, énorme perte. وَفِي رِوَاتٍ لَمْ يَحْضُهَ بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَحِيَةَ الْجَنَّةِ. Et dans une autre version, si il prodigue pas les conseils à sa communauté, il ne trouvera pas l'odeur du paradis. C'est quoi donner les conseils à la communauté de la part du gouvernement? C'est de les gérer avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, de blâmer le mal, etc. et tout ça. De les orienter vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. Dans une autre version de Muslim, chaque prince qui a une situation du musulman, qui est responsable d'une situation du musulman, il fait pas des efforts pour eux, il les conseille pas, il rentrera pas avec eux au paradis. Hein? فالحاكم عليه أن يجب عليه أن ينصح ومن نصحه للأمة أن يطبق فيهم أحكام الله وينفذ فيهم شريعة الله ويربي الأبناء والأجيال والجيوش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب على المسلمين وحكامهم. Il dit le gouverneur, il est obligatoire pour lui d'être d'un bon conseil pour sa communauté. Et le bon conseil pour sa communauté, pour la communauté, c'est qu'il doit appliquer la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il doit éduquer les enfants et les générations et les armées sur le livre d'Allah et la sunna du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça, ce qui est obligatoire pour les musulmans et pour, pour leurs gouverneurs. يقول حفظه الله الله الذي خلقكم وبوأكم هذه الأرض الأرض التي فتحت بالإسلام مصر فتحت بالإسلام ليبيا تونس غيرها الجزائر المغرب الشرق الغرب العراق خراسان كلها فتحت بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كيف ينسى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ينسى الله كيف تنسى أحكامه سبحانه وتعالى. Il dit حفظه الله تعالى Allah qui vous a créé, qui vous a donné la vie sur cette terre et qui a fait que cette terre soit votre demeure et soit stable pour vous. De cette terre qui a été conquise par l'islam, et de l'Égypte a été conquise par l'islam, la Libye, la Tunisie, et d'autres, l'Algérie, le Maroc, l'Est, l'Ouest, l'Irak, Khorasan, tous ces pays ont été conquis par le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Comment on oublie le livre d'Allah et la sunna du messager? Comment on oublie Allah? Comment on oublie les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala? يقول الحكم له وحده سبحانه وتعالى ليس لأحد حاكمية مع الله تبارك وتعالى فنسأل الله العافية. Il dit le jugement appartient à Allah uniquement. Le jugement n'appartient pas autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait du'a pour Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne, nous donne l'afia. يقول على كل حال الخروج لا يجوز لأنه يترتب عليه مفاسد لا أول لها ولا أخير لها. Il dit de toute façon, les révoltes contre les gouverneurs ne sont pas permises, car il en découle un grand mal, au début et à la fin. يقول والتاريخ عليكم السلام والتاريخ يدل على هذا والواقع الذي عاصرناه وعاشيناه وعايشناه يدل على هذا فالأمور لا تعالج إلا بالحكمة. Il dit l'histoire prouve tout ceci. Et le vécu que nous vivons, maintenant, et les situations sur lesquelles que nous avons vu, que nous vivons, prouvent tout ceci. Et il dit les situations, le remède, il est dans la sagesse. يقول كان على هؤلاء أن يذهب العقلاء إلى الحاكم ويذكره بالله ويخوفوه بالله ويقول له والله نريد الإسلام. كيف نقول ديمقراطية؟ هو يقول ديمقراطية، الديمقراطية فيها وفيها ها؟ il dit wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit il était du devoir de cela que ceux qui sont doués de raison parmi eux aillent chez le gouverneur. Ils lui rappellent Allah, ils lui font peur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils lui font peur du châtiment qui découle du fait de désobéir à Allah. Hein? Et ils lui disent, nous par Allah, nous voulons l'islam. Comment dire la démocratie? Lui aussi, il dit la démocratie. Et démocratie dans la démocratie, yaya. يقول حفظه الله بعضهم عدد للديمقراطية حوالي 100 مفسدة أو ما أدري 150 مفسدة. Il dit certains ont cité 50 erreurs, 100 erreurs à la démocratie. Il dit, et je ne sais pas si ce n'est 150 erreurs, 150 mal plutôt, pas erreur. Et certains ont comptabilisé le mal de la démocratie, ils l'ont amené à 100 et peut-être à 150. يقول انا رددت على عبد الرحمن عبد الخالق وبينت له مفاسد الديمقراطيه. قال زيدكم ان مفاسد الديمقراطيه تبلغ 150 مفسده. قلت له اذا كانت تزيد على 150 مفسده فهي اكبر من الشرك، هي ام الشرك، هي ام الخبائث الان، وليس فيها عدل ابدا. اول ما يسقطون حق الله، فاين العدل؟ اول ما يسقطون حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق كتابه وحق الاسلام، فاين العدل؟ بارك الله فيكم. إذ حفظه الله تعالى. جي ريبليكا عبد الرحمن عبد الخالق. Et je lui ai montré le mal de la démocratie. Et il a dit, je vous annonce que la démocratie, son mal dépasse 150 mal. Dans la démocratie, il y a plus de 150 mal. Je lui ai dit, c'est-à-dire quand il a répliqué à Abdelrahman Abdelkhalq, s'il dépasse 150, il y a 150 mal dans la démocratie. Donc il est plus énorme que l'associationnisme. C'est la mère de l'associationnisme. C'est la mère des impuretés. Et il n'y a aucun. Il dit maintenant, c'est la mère des impuretés. Il dit, et dedans, il n'y a aucune justice. Jamais. La première des choses qu'ils font tomber, c'est le droit d'Allah. Il dit, où est la justice dans ces cas-là? La première des choses qu'ils font tomber, c'est le droit d'Allah et le droit du messager. Et le droit du livre d'Allah et le droit de l'islam. Où est la justice? Barakallahu fikum, dit Cheikh. يقول يزعمون أن فيها الحرية، لكن ما هي هذه الحرية؟ تدين بما شئت، كن يهوديا، كن نصرانيا، كن شيوعيا، كن بعثيا، كن قبوريا، كن ما شئت. تبارك الله فيك. ها؟ ils disent que dans la démocratie il y a la liberté. Ils prétendent qu'il y a la liberté dans la démocratie. Mais il dit c'est quoi la liberté? C'est que tu prennes la religion que tu veux. Que tu sois juif, chrétien, communiste, ba'athi, adorateur de tombe, ce que tu veux. Qu'Allah te bénisse, dit Cheikh. Il baisse ma chit, ta'arra, imshi ariyan, izni, israq, la takhaf min ikamati l'hudud, barakallahu fik. Rabi, ta'amal bil riba, ifrad l'mukous, aina l'adl. Kulluha zulmun wa zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Il dit, la démocratie, la liberté, c'est quoi? C'est la démocratie, la liberté. Habille-toi comme tu veux. Déshabille-toi. Marche tout nu. Comme il adultère. Vole. Il n'y a aucune sentence qui va être accomplie contre toi. Hein? Fais tes transactions usuaires. Hein? Commerce avec riba. Impose les taxes. Où est la justice, il dit? La démocratie, c'est une injustice. Et c'est des ténèbres. Ténèbres, couche de ténèbres sur couche de ténèbres. Il dit, فَالْحُرِّيَّةُ الصَّحِيحَ الْحَقِيقِيَّ فِي الْإِسْلَامِ يُحَرَّرُ الْإِنسَانِ مِنْ كُلِّ الْعُبُودِيَاتِ التي تبيحها الديمقراطية وغيرها من التشريعات الجاهلية، فكيف المسلمون يطلبون بالديمقراطية؟ ديمقراطية ديمقراطية il dit la liberté, la réelle liberté il est dans l'islam. Dans l'islam l'homme il est libre. Il est libre, il est hein? Il n'est pas soumis, il n'est pas asservi par tout ce que hein, autorise la démocratie ou autre, parmi les législations de la période pré-islamique. Comment les musulmans demandent la démocratie, la démocratie, la démocratie? ويقول حفظه الله نسأل الله أن يوفق المسلمين للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كلمة مفرغة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي وكانت في 17 من الشهر الثالث من السنة 1432 يلفا. Il fait le dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala accomplisse les musulmans sur à revenir vers le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Il fait la clôture quand il a terminé sa parole et cette parole a été transcrite parce que c'était quelque chose qu'il a fait en audio, il a été enregistré, il a été transcrite le 17 du mois 3 de l'an de l'Hégire 1432. Chal baqina l'acha شحال 15 مينيت ف الله عز وجل إخوة الإسلام بين لنا كيف نتعامل وقت الفتن التي تحدث. الله سبحانه وتعالى بين كيف يجب على المسلم وكيف يتعامل المسلم في أوقات الفتن. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهنا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى nous a éclairé comment se comporter à l'époque de la fitna. Fitan arrive, comment se comporte Allah subhanahu wa ta'ala, nous en a fait l'éclaircissement dans le Coran. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé comment il faut être pendant la période de la fitna. Il est dit dans le verset, quand il leur arrive une situation de sécurité ou de peur, ils la propagent alors qu'ils doivent la ramener vers la sunna du messager. Alors s'ils la ramenaient vers le messager, c'est-à-dire vers sa sunna après sa mort, et vers Oulil Amr, ceux qui les gouvernent parmi les gouverneurs et les hommes de science, ceux qui ont le pouvoir d'extraire comment il faut agir dans une situation, c'est-à-dire qu'ils sont les hommes de science, vont extraire la situation adéquate à la situation qui se présente, vont extraire le comportement à avoir et comment il faut y être. Et il est dit dans le verset, si ce n'est les vertus d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, vous allez suivre Shaitan tous sauf une partie. Sauf une partie. Sauf une petite partie. فأخ الإسلام عندما تحصل الفتن وتحصل هذه الأمور فلا نتدخل فيها نحن العوام ولا حدثاء الأسنان ولا يتدخل فيها ذوي الأغراض وإنها مهاده كما قال العلماء ترد إلى القادة، القادة في العلم والقادة في السياسة، العلماء يبينون حكمها والقادات ينفذون ما قرره العلماء في هذه الأزمات. فأما عامة الناس والشباب فليس هذا من شأنهم وتدخلهم في هذه الأمور لا يجر إلا الشر. On Allah Azza wa Jal, quand arrive les situations catastrophiques, et la fitna, le commun comme nous ne doit pas s'immiscer, ne doit pas y rentrer. Les jeunes ne doivent pas rentrer dans ces fitnas et dans ces catastrophes. Ceux qui ont des intérêts et des buts à atteindre, politiques ou autres, ne doivent pas s'immiscer non plus. Mais tout ceci, cette fitna, la situation de cette fitna, on doit la retourner vers les leaders, que ce soit au niveau du gouvernorat et au niveau de la science. Les hommes de science, eux, vont détailler la situation, vont la juger, l'étudier et sortir le hukm qui est adéquat. Les leaders et ceux qui gouvernent doivent mettre en application ce qu'ont décrété, ce qu'ont sorti comme position, comme décret les hommes de science. Quant au commun des musulmans que nous sommes, tout ceci ne fait pas partie de notre ressort. Quant à la jeunesse, ça ne fait pas partie de son ressort aussi. Car le fait qu'entre le commun et la jeunesse s'immiscent dans tout ça, il ne ramène que le mal. Et regardez ce qui se passe entre vous. Ikhwad al-Islam, Ahlul Ilm, رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء بينوا لنا بعد استقراء كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام حقوق الراعي كما بينوا حقوق الرعية خلونا الله عز وجل les hommes de science dignes du nom après une lecture profonde du livre d'Allah de l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام nous ont cité les droits des gouverneurs et les droits des populations. فنعلم إخوة الإسلام أن حق الراعي والرعية من أهم الحقوق التي توفر الأمن والأمان في المجتمع المسلم. ولذلك اهتم الإسلام بهذا الحق واهتم به رسول الله وبينه بيانا شافيا كافيا كما اهتم به خلفاء المسلمين وولاة الأمر بعده فأمر الرعية أن تؤدي حق راعيها وأمر الراعي أن يؤدي حق رعيته كل droit des gouverneurs فهو الله عز وجل et le droit des populations est un énorme droit dans l'islam parce que c'est avec ce droit qu'il y a la sécurité la stabilité dans les sociétés musulmanes. C'est pour ça que l'islam s'est occupé de ses droits. Et l'islam nous en a éclairé. Dans le livre d'Allah, dans l'autre truc de la sunna du prophète, le Rasoul nous a éclairé, nous a détaillé, nous a donné les orientations concernant ses droits. Hein? Et les nobles compagnons ont mis en application ces droits et les ont propagés dans la communauté. Et ceux qui les ont suivis à la perfection ont fait de même. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux populations de s'acquitter de leurs droits, des devoirs qu'ils ont vis-à-vis de leurs gouverneurs. Et il a ordonné aussi aux gouverneurs de s'acquitter de ses droits vis-à-vis de ses populations. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. Et il a dit salawatullahi wa salamu alayhi, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Le gouverneur est un berger et il est responsable de sa population. فَلَا بُدَّ لِكُلِّ رَعِيَةٍ مِنْ رَاعٍ وَحَاكِمٍ يَرْعَى أَمْرَهَا وَالرَّعِيَةُ بِدُونِ رَاعٍ كَالْغَابَ تَمَامًا يَأْكُلُ الْقَوْيُ فِيهَا الضَّعِيفُ ويغيب الأمن والأمان وإذا أدت الرعية حق الراعي وأدى الراعي حق الرعية توفر الأمن والأمان واستطاع الناس أن يعبدوا ربهم. Et il est obligatoire pour toutes les populations qui soient gouvernées. Ils ont besoin d'un gouverneur qui gère leur situation. Car les populations sans gouverneur, c'est comme la jungle, complètement. Le fort va manger le faible, il va l'anéantir. Il n'y aura pas de sécurité. Hein? Et si les populations s'acquittent du droit de son gouverneur, et que le gouverneur s'acquitte du droit de sa population, il va y avoir la sécurité, la quiétude, la stabilité. Et les gens vont adorer leur souverain, vont avoir la possibilité de pouvoir adorer leur souverain. فمن حقوق الرعية على راعيها أن يحكم بالعدل والحق ولا يظلمه. Fait partie des droits des populations et des devoirs du gouverneur vis-à-vis de sa population, c'est qu'il la gère et qu'il la juge avec justice et qu'il ne soit pas injuste avec elle. يقول أهل العلم ولا حق ولا عدل إلا في شريعة الله عز وجل أي على الراعي أن يحكم رعيته بشريعة الله وذلك لأنه إذا حكم الراعي رعيته بشريعة الله حافظ على دينهم وأنفسهم وحفاظا على العرض شرع حد الزنا وما إلى ذلك Et y'a aucune justice y'a aucun droit sauf dans la législation de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le gouverneur juge ses populations avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver la religion de sa population. Il va les protéger, il va les préserver eux-mêmes, hein? Leurs honneurs, etc. C'est pour ça que pour préserver les honneurs, a été légiférée la sentence de l'adultère. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والزاني المحصن يرجم حتى يموت il dit dans le verset celle qui a commis l'adultère et celui qui a commis l'adultère ils doivent recevoir 100 coups de fouet quant à celui qui est déjà marié et qui fait l'adultère hada C'est la lapidation jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est la législation d'Allah. وفي ظل شريعة الله عز وجل يكون الأمن والأمان والإيمان. Et sous l'ombre de la législation d'Allah, et en mettant en application la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se retrouve dans la stabilité, dans la sécurité, dans la foi. جاءت نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر بتطبيق شريعة الله على الذكر والأنثى والكبير والصغير والغني والفقير والشريف والوضيع والعبد والحر beaucoup de textes que ce soit dans la législation d'Allah dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont là pour nous ordonner le fait d'accomplir la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'homme, sur la femme, sur le grand, sur le petit, sur le riche, sur le pauvre, sur le noble, sur celui qui n'a pas une grande descendance, etc. Sur le serviteur, sur l'esclave, sur l'homme libre. Tous sont concernés par la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Le verset il te dit Ô Daoud, nous avons fait de toi un khalifa sur terre. Juge entre les gens avec la vérité et ne suis pas les passions car ils vont t'égarer du chemin d'Allah et ceux qui s'égarent du chemin d'Allah auront l'énorme châtiment parce qu'ils ont oublié le jour de la rétribution le jour des comptes وقال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Il est dit dans notre verset Et juge entre eux avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a descendu. Et ne suis pas leur passion. Et fais attention qu'ils ne te perturbent pas. Et qu'ils ne te détournent pas de certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a descendu. Et s'ils détournent, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'ils soient pris par certains de leurs péchés. Et beaucoup de gens ne sont pas obéissants. Est-ce qu'ils veulent le jugement de la période pré-islamique? Et qui est meilleur, et qui est le meilleur dans les jugements sinon Allah pour des gens qui ont la certitude? ولما جاء أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة المخزومية التي سرقت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال إنما هلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وإما الله ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم سي regarde cette position de ton prophète عليه الصلاة والسلام contre Oussama ibn Zayd, qui était aimé min al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est venu parler à Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour intercéder pour cette femme de Bani Makhzoum, on appelle Makhzoumia, qui a volé. Et donc il mérite la sentence de fait de lui couper la main. Il est venu intercéder pour elle. Alaykoum salam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il lui a dit, tu viens intercéder pour l'une des sentences d'Allah. Il s'est levé et il a dit alayhi salatu wassalam, les populations avant vous ont péri parce que auparavant, quand les nobles parmi eux volaient, ils les laissaient, ils n'accomplissaient pas les sentences sur eux. Et quand les faibles volaient, ils accomplissaient les sentences sur eux. Par Allah, c'est Fatima, la fille de Muhammad alayhi salatu wassalam, venez à voler, je lui couperai sa main. Le hadith chez l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Taniyan, wa min haqq al-ra'iyati ala al-ra'i an yansaha lahum da'iman. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ma min amirin yali umura al-muslimin, thumma la yajhadu lahum wa yansah lahum illa lam yadkhul al-jannata ma'ahum. Wa al-hadith inda l'imam Muslim. Il fait partie, le deuxième droit, des populations. Le deuxième devoir duquel doit s'acquitter le gouverneur vis-à-vis de ses populations, c'est qu'il doit les conseiller. Il doit les conseiller toujours. Et il est dit dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, tout gouverneur qui est sur la tête des musulmans et qui ne fait pas des efforts pour eux et qui ne les conseille pas, il ne rentrera pas au paradis avec eux. يالله سيدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا ونتمم إن شاء الله بعد الصلاة بارك الله فيكم